Quelle que soit sa nature, l'objet tombé du ciel s'est écrasé juste là derrière. J'ai entendu plusieurs explosions, comme des banques Sony. Le seul indice que nous ayons est un son. Écoute, c'est DJ Phil. Mon Dieu. DJ Phil. House Dance Session. Quand je lui ai demandé de qui il avait si peur, il s'est borné à répéter un nom. DJ Phil. Votre prochaine mission a été validée. L'acceptez-vous? DJ Phil. Mix live. No stop party. Are you ready? You're online radio. DJ Phil. Come on. Copine, bien ou quoi, Mystery, comment tu vas à la femme? J'ai un petit service à te demander. Alors tu vois, y'a une petite meuf dans le 19, lui laisser les clés d'une du roi. Mais je sais pas, je lui fais plus confiance, te plaît, récupère-les pour moi. Dès que tu les as direct sorti, tu les passes à Abdel. Pour que lui les passe à souris, car lui seul sait où se trouve l'hôtel. Où est planqué la secret, ensuite tu me le passes au tel. Lui me dira si c'est ok, si t'enlèves tous les bordels. Puis appelle Nabil et récupère mon disque dur. Ensuite, passe à Belleville, demande le numéro de que dur. Appelle-le, il comprendra, dis-lui que moi j'ai des courbatures. Mais que le colis a été livré, que là c'est cool, qu'à la voiture. Eh, c'est bon, t'as tout capté, hein. Ok, ok, je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Rougataga. Je me réveille, c'est pas le vrai. Renouna dans les yeux, je me tire et je roule en snare. Je suis dans le coltard, ta wesh plane dans les airs. Comme t'as bien rien à faire, la misère, la galère. Vu que j'ai mal aux dents, je me les brosse et me fais un bon douche. Hachette, je fais yesh et je tape une bonne touche. J'avoue la liberté, ah touche. Y'a que l'entraîneur qui a le droit d'être fier d'être sur le banc de touche. Les minuit pile, il va falloir quitter la ville. La volonté champagne et sky. Soir son vomi de la ville, dis-leur la mine, ça me dérange pas, moi j'aime bien. Quand je vais en Afrique avec du fric, je pourrais claquer, je sais pas combien. Je veux voir toutes les mains en l'air. Soir ce c'est la guerre, le fils de la pute molaire. L'infection elle est pulmonaire, car je fume trop, dis-leur Abdel. Direction Marrakech, les frères qui m'aiment me suivent. Ceux qui m'aiment pas garder la pêche. Devenir un carré. Stop. You'll see. Let you down. Never gonna run around and Baby, baby, Too tight to mention.

my heart. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take the chance for a man. Take my heart. I need you so. There's no time I'll ever go. Sherry, Sherry lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Sherry, Sherry lady, living in devotion. It's always like the first time. Let me take your part. Oh, Sheffield. DJ Phil.